bêtise ou tes cafés. Ta ou vini ou à moi, caïman. Ça t'es café longtemps, bien trop longtemps. On t'es besoin de jamais, sérieux. Ou tes cafés, magie, princesse, chichi. Excité moins pour rien. Vous venez bien habillé, sexy, serré, serré. Et à présent, ok. Oh non, non, non.